الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on va continuer inchallah sur notre étude aussi de la description de la prière du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Et donc l'auteur dans ce chapitre, on a commencé l'étude du troisième chapitre dans la description de la prière. Dans la dernière assise, on a commencé l'étude du troisième chapitre concernant l'importance de la prière. Alors, avant que l'auteur mentionne la description de la prière avec les actes surrogatoires de la prière, les recommandations de cette prière, les piliers, les obligations de celle-ci, d'abord, il nous parle d'un sujet très important. Il nous parle de la valeur de cette prière. Pour ça, dans la dernière assise, on a commencé à traiter le sujet de la valeur de celle-ci. L'immense valeur de la prière. Pour cela, dans ce fasl, qui est le troisième fasl, il dit « Ahamiyatu salat shar'an » l'importance de la prière religieusement. Et l'auteur mentionne des points. Et hier, on s'était arrêté au cinquième point. Et l'auteur va mentionner 10 points. 10 points qui prouvent, indiquent l'importance de la prière. Donc c'est une immense exhortation. À titre de rappel, on avait dit premièrement le fait que cette prière vient en deuxième position. C'est le deuxième pilier de l'islam. Donc l'action la plus importante, elle est précédée par le témoignage, l'attestation de foi, qu'il n'y a nul ilah si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Sinon, ensuite, après le témoignage, c'est l'œuvre la plus importante. Il dit deuxièmement, la religion repose sur cette œuvre et sur cette action qui est la prière. Troisièmement, que celle-ci a une particularité par rapport aux autres actions. Que celui qui délaisse, le croyant qui délaisse la prière, l'accomplissement et la pratique de la prière, il sort de la sphère de l'islam. Il ne peut pas être considéré comme musulman. Et contrairement, comme il a expliqué, aux autres piliers, celui qui croit en l'obligation et au caractère obligatoire de la prière, mais qui la délaisse par paresse. Il a cité pour les autres piliers, que ce soit pour la zakat, pour le jeûne du ramadan, pour le pèlerinage, tant qu'il croit en l'obligation de celle-ci, c'est-à-dire de l'œuvre, mais qu'il la délaisse par paresse, ou par tahawun, ou takasul, ou par délaissement, il ne sort pas de la sphère de l'islam. Selon son avis, il dit l'avis le plus plausible et le plus juste, c'est qu'il ne sort pas de la sphère de l'islam. Tandis qu'il dit que pour la prière, il n'y a pas de différence. Que ce soit an juhud, qu'il renie le caractère obligatoire, ou bien qu'il la délaisse par paresse, ou tahawun, il se laisse aller en ce moment, il a une période de laisser aller, il dit il n'y a pas de différence. Il sort de la sphère de l'islam. Il dit, nous disons pas cela, min bab takhwif, pour effrayer, pour faire peur, mais il dit parce que les textes prouve cela. Donc ça, c'est en résumé de ce qu'on a appris hier. Quatrièmement, il dit, le fait qu'Allah Azzawajal a prescrit cette prière et l'a commandé au prophète sallam fawqa as-samawat as-sab'a, au-dessus des 7 cieux, dans le lieu le plus élevé que peuvent atteindre les créatures. Fi a'la makanin yasil ilayhi al-makhluqun, dans l'endroit le plus élevé. Et cinquièmement, et on s'est arrêté sur ça. Cinquièmement, on s'est arrêté là. Ce qui prouve l'importance de cette prière. أن الله فرضها عليه في أفضل ليلة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'Allah عز وجل, il dit ce qui prouve cette valeur, c'est qu'Allah l'a prescrite au prophète صلى dans la meilleure des nuits du messager d'Allah. Pourquoi? Parce que comme on l'avait dit, c'était la nuit de ce qu'on appelle ليلة الإسراء, la nuit du voyage nocturne, de l'ascension. Et donc on a dit en cette nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été transporté jusqu'à Beit al-Maqdis, jusqu'à Jérusalem, et ensuite il fut élevé. Il fut élevé dans les cieux. Et là le prophète en cette nuit, lorsqu'il est passé et fut élevé vers les cieux, il a rencontré des prophètes. Et donc, il y a la rencontre de certains prophètes qui est mentionnée, et il a rencontré et parlé avec le prophète Moussa, alayhi salam, que la paix soit sur lui, connu dans d'autres traditions par Moïse, Moussa alayhi salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un dialogue avec Moussa, comme on l'a relaté dans le deuxième chapitre. Le deuxième chapitre était lié à la question quand et où fut prescrite la prière. C'est cette question qu'on a traitée dans le deuxième chapitre. Et donc le prophète, sallam, ensuite, donc, il a été en cette nuit élevé, donc c'est la meilleure nuit parmi les nuits qu'a vécu le messager d'Allah, le prophète Mohammed. Donc le fait qu'elle soit prescrite ou qu'elle fût prescrite en cette nuit, qui est la meilleure des nuits, le salut du messager d'Allah, alors ça prouve l'immensité et la valeur incommensurable de cette action. Qala al-musannif, wa hiya laylatul mi'raj allati urija fiha bi rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ila as-sama'i hatta ala fawqa as-sama'i as-sabi'a, jusqu'à que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut élevé au-dessus du septième ciel. Vous savez, il y a beaucoup de gens sur Terre, même certains grands scientifiques, et la majorité des gens, lorsqu'ils contemplent le ciel, ses étoiles, l'espace, ils pensent que ça, c'est l'étendue des cieux. Mais là, on n'est qu'au premier ciel. Même lorsque des fusées montent vers l'espace, etc., on n'est qu'au premier ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé le premier, le deuxième, le troisième ciel. Il est élevé au-dessus. Regardez, il dit ala fawqa as-sama'i as-sabi'a hatta wasala ila makanin samira fihi sarif al-aqlam aqlam al-qada'i wal-qadar allati ashara Allah ilayha fi qawlihi yas'aluhu man fi as-samawati wal-ard kullu yawmin huwa fi sha'n. يغني فقيرا ويفقر غنيا ويمرض صحيحا ويصح مريضا ويميت حيا ويحيي ميتا إلى غير ذلك من شؤونه التي لا يحصيها إلا الله عز وجل. Regardez ce qu'il dit l'auteur. Il dit donc dans cette nuit où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fut élevé. Il s'agit, il dit, de la nuit de l'élévation, durant laquelle il fut élevé au ciel, jusqu'à se trouver au-dessus du septième ciel, et à atteindre un endroit où il put entendre le brisement des plumes. Qala, les plumes écrivant la prédestination divine. Les plumes qui écrivent la prédestination divine, ce qu'on appelle al-qada'u wal-qadar, auquel Allah fait allusion dans ce verset. Dans le verset que vous avez cité, une traduction rapprochée du sens du verset, « Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. » Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. C'est-à-dire, Shir nous dit, « Il enrichit un pauvre, il appauvrit un riche, il fait tomber malade un homme bien portant et redonne la santé à un homme malade. Il donne la mort à un vivant et donne la vie à un mort. Et d'autres œuvres encore parmi tant que lui, seul Allah Jalla wa Ala est capable de dénombrer. Est capable de dénombrer. » Ça, c'est le cinquième mérite de la prière. Le sixième que cite Ashir, إن الله فرضها عليه بدون واسطة بينهما. Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit au prophète enfin, sans qu'il y ait d'intermédiaire là. D'habitude, il y a l'ange Gabriel, l'ange Jibril, alayhi salam, qui est l'intermédiaire, qui enseigne la parole d'Allah au prophète, alayhi salam, qui révèle, kalam Allah, la parole d'Allah azza wa jalla au prophète, alayhi salam. Mais là, la prière, il n'y a pas eu d'intermédiaire. Allah l'a prescrit directement au prophète, sallallahu alayhi wa ala, alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est vraiment des choses à méditer. سابعاً septièmement أن الله فرضها على العباد أول ما فرضها خمسين صلاة في اليوم والليلة. Septième bienfait, c'est que cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrite à ses serviteurs. Au départ, au début de la prescription, elle fut prescrite 50 fois. C'est-à-dire, c'est 50 prières, comme on l'avait appris dans l'assise précédente. C'était 50 prières à la base, qu'Allah Azza wa Jal avait prescrites et commandées au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on a appris, et l'histoire est très célèbre, qu'ensuite, lorsque le prophète sallam revint et rencontra le prophète Moussa, alayhi sallam, que la paix soit sur lui, alors le prophète Moussa lui a dit, ta nation ne pourra pas supporter cela. Et là, il lui a dit, retourne vers ton Seigneur, pour que yukhafif, pour qu'il allège la prière. Et ensuite, elle fut allégée. 10 mois. Jusqu'à ce qu'elle fût allégée à 5. Qala al-musannif. Wa kunu wa 50 salatan yadullu ala mahabbati Allah laha. Subhanallah. Hadi faida. Pourquoi? Elle est instaurée ou prescrite au départ au prophète 50 fois. À la base, on aurait dû, selon la première prescription, prier 50 prières. Écoutez bien ce que va dire ensuite l'auteur. On devait prier 50 prières. Qu'est-ce que ça indique? Le cheikh nous dit, si Allah Azza wa Jal à la base avait prescrit à la base 50 prières, ça veut dire qu'Allah aime cette adoration. Et ça, c'est un bon rappel pour nous. Pourquoi? Parce que chaque jour, on accomplit cette adoration par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Si ce n'était pas Allah Azza wa Jal qui nous avait guidés et aidés à accomplir cette prière, on ne pourrait l'accomplir. Et ça fait partie encore des bienfaits d'Allah Azza wa Jal, que souvent on oublie. Souvent, on oublie. Par exemple, la personne qui se réveille le matin et qui a pu accomplir la prière du Fajr. Ensuite, il va vaquer à ses préoccupations. Et là, souvent, on commence, c'est nos plaintes de la journée. On débute la journée avec nos plaintes. Il fait froid. Il y a trop de bouchons. Et puis ceci. Et puis on pense aux problèmes de la vie. Et puis si. Et la personne ne sait pas, Wallah, wa fi ni'matin azima. Peut-être que si un mort, il pouvait sortir de sa tombe et voir un vivant se plaindre de la sorte, il lui dirait, mais comment peux-tu perdre ton temps dans cela? Allah Azza wa Jal t'a accordé ce bienfait que tu t'es réveillé, t'as pu faire ta prière déjà du matin. Et Allah t'a donné la santé. Et Allah t'a fait ou t'a donné une nouvelle journée auprès des tiens en pleine sécurité. Comment peux-tu te plaindre? Juste, on termine quelques minutes. Alors, regardez ce que va dire l'auteur concernant les prières. Allah Azza wa Jal, au départ, donc là, prescrit au prophète, sallam, et elle devait être observée 50 fois. Donc, ça veut dire que l'auteur nous dit, ça prouve qu'Allah aime cette action, aime cette adoration. Regardez ce qu'il va dire. اسمعوا الكلام وركزوا على الكلام قال وكونها خمسين صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها وأنها عبادة تستحق أن يستغرق الإنسان معظم وقته فيها لأنها الصلة بين الله وعباده يجد فيها المؤمن راحة نفسه. Il dit, regardez, il dit, et donc, si on a compris cela, que notre Créateur, il aime cette adoration, alors elle mérite qu'on y passe tout notre temps à l'accomplir. Cette adoration-là, ça veut dire qu'on mérite, elle mérite plutôt qu'on passe tout notre temps. En yestarliq al-insan, mu'azzam waqti, ou la plupart de son temps, dans l'accomplissement de cette action. Pourquoi ? Pourquoi cette prière est si importante. Pourquoi elle est si importante? Parce que cette prière, c'est le lien que le serviteur il a avec son Créateur. C'est le lien qu'on a avec Allah Azza wa Jal. Pour ça, certains savants ont dit, si tu veux parler à Allah Azza wa Jal, alors prie. Et si tu veux qu'Allah Azza wa Jal te parle, récite son livre. Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors, lorsque tu récites le Coran et tu lis le Coran, c'est Allah Azza wa Jal qui te parle. Et lorsque tu pries, tu invoques ton Créateur. Il y a une relation avec ton Créateur dans cette prière. Qala wa yajidu fiha al-mu'min rahata nafsi wa tuma'nina tuma'ninatul qalb. Et dans cette prière, le croyant va trouver un apaisement. Cette prière, elle doit te procurer un apaisement. Et tu vas trouver une quiétude. وَلِهَذَا كَانَتْ قُرَّةُ عَيْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Pour cela, la prière elle était considérée comme le réjouissement des yeux des prophètes. C'était la réjouissance du messager d'Allah صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَمْ. Regardez ce qu'il dit. فَلَوْ صَلَّ الْمُسْلِمْ خَمْسِينَ صَلَاتًا وَكُلُّ صَلَاتٍ تَسْتَوْعِبْ رُبْعَ سَعَةٍ. Regardez, il dit. Si maintenant le croyant, le musulman, il prie 50 prières. Il prie 50 prières. On s'imagine qu'une prière a fait rub' sa'a, 15 minutes. Donc une prière a fait 15 minutes. Alors, si le croyant maintenant, il prie une prière, et cette prière, elle fait à peu près 15 minutes, un quart d'heure, alors il passerait 12 heures et 30 minutes en prière. Si on fait les 50 prières, et en sachant qu'une prière, elle peut faire à peu près rub' sa'a, un quart d'heure. Ça voudrait dire qu'on passerait 12h30 en prière. La majorité de notre temps, regardez, il dit en prière. Fa kullu salatin tastu'ib rub' sa'a. Fa yumdi fi salati 12 sa'a wa nisf. Ou قال fa yumdi fi salati 12 sa'a wa nisf. فإذا لو أن الإنسان اشتغل فيها لو استوعب من وقته أكثر الوقت. C'est pour ça que l'individu, si vraiment il se préoccupe de sa prière, il devrait prier ses prières comme il le faut, ça aurait pris tout son temps. Ça aurait pris tout son temps. ثم جرت بين الله عز وجل ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراجعات. حتى خفف الله جل وعلا عن عباده بلطفه ورحمته وفضله وجعلها 50 في الفعل و50 في الميزان. Jusqu'à ce qu'ensuite le prophète a dialogué avec Allah Azza wa Jal. Il a parlé avec Allah. Et ces 50 prières, à la fin, sont devenues 5 prières. Par la grâce d'Allah. Et alors qu'en réalité, vous savez, lorsqu'on prie 5 prières, c'est comme si on prie les 50. Parce que dans la pratique, c'est 5 prières, mais fil mizan, c'est 50 prières. Une prière en vaut 10. Donc dans la pratique, ces cinq prières, وَثَوَابُ الْخَمْسِينَ وَهَذَا مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Et ça, ça fait partie des grâces d'Allah. Mais اسمعوا الكلام. Écoutez ce que va nous dire Cheikh ici. قَالَ وَجَعَلَهَا خَمْسَانَ فِي الْفِعْلِ وَخَمْسِينَ فِي الْمِيزَانِ وَهَذِهِ الْخَمْسِ مَصَالِحُ الْخَمْسِ وَثَوَابُ الْخَمْسِينَ مصالح الخمس وثواب الخمسين وهذا من نعمة الله عز وجل قال وليس هذا من باب جزاء الحسنة بعشر أمثالها لأن العمل الصالح كله الحسنة فيه بعشر أمثالها فلو كان من باب الحسنة بعشر أمثالها لما كان بينها وبين العبادات الأخرى فرق ولكن هذه الخمس كأننا صلينا خمسين صلاة ولكن صلاة عشر حسنة فتبلغ خمسمائة حسنة في هذه الصلوات الخمس والله يضاعف لمن يشاء فهذه حسنة واحدة تعد إذا فعلت كأنها فعلت عشر مرات قال فالإنسان إذا صلى الظهر مثلا كأنه صلاها عشر مرات وإذا صلى العصر كأنه صلاها عشرا وهكذا فهذه هي الميزة في أنها خمس في الفعل وخمسون في الميزان شيء عظيم. Juste pour terminer, en français traduction, il dit néanmoins, cela n'entre pas dans la règle de la bonne action qui en vaut 10, car la récompense de toute bonne action et quoi qu'il en soit multiplié par 10. Et si cette règle valait pour la prière, il n'y aurait entre elle et les autres actions d'adoration aucune différence. En réalité, en accomplissant ces 5 prières, c'est comme si nous prions 50. Et chacune de ces prières sera multipliée par 10. Ces 5 prières valent donc 500 bonnes actions en vérité. Ces 5 prières valent 500 hasanat en réalité. Et Allah multiplie encore ce chiffre pour qui il veut. Cette seule bonne action, la prière accomplie une fois, sera comptée comme si elle avait été faite 10 fois. Quant à l'homme, lorsqu'il accomplit la prière du midi, par exemple, c'est comme s'il avait prié 10 fois. Et quand il s'acquitte de la prière de l'après-midi, al-asr, c'est comme s'il avait prié 10 fois. Et ainsi de suite. C'est une particularité de la prière, elle est accomplie 5 fois, mais comptera pour 50 dans la balance des bonnes actions. Et là, on n'a pas fini encore Ahamiyat al-Salat, les mérites de la prière qu'on continuera fi yawm al-ghad, demain, Inch'Allah, si Allah nous le permet. Et donc, celui qui se rend compte de la valeur de la prière, remercie Allah Azza wa Jal, qu'Allah vous a compté parmi ceux qui prient. Et si vous êtes reconnaissant, vous le remerciez pour ce bienfait, « Wala in shakartum » Allah dit, « La azidannakum, wala in kafartum inna azabi » La chadid. Nahnu wallahi al-azim fi ni'matin azima. Fa'asa Allah jalla wa ala an yaj'alana min al-musallin min al-fa'izina fi hadhihi ad-dunya fi al-akhirah. Ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma salli wa sallim ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.